prions. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Bénis ta parole, transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes déjà parti? All right. Ce que j'ai, je ne veux pas perdre qui que ce soit. Amen. Donc dis à ton voisin, il faut pas dormir. Elle ne veut pas te perdre. All right. Qui n'a pas ce livre, Losing Suffering? Ah, Maïva, tu as toujours pas ce livre. Qui n'a, toi aussi tu n'as pas ça. Tu n'as pas. Maïva, tu dis quoi? You weren't there. Wow. Ok. Le livre est fini. Forget. Qui va à la chasse? Alléluia. Ah, aujourd'hui, tu n'as pas dit Alléluia. Page 31. Nous sommes en train d'apprendre certaines réalités, certaines vérités sur la marche avec le Seigneur. Amen. Vivre pour Jésus n'est pas facile. What did you say? Where is she? Vivre pour Jésus n'est pas facile? Hey! Si tu veux être mon disciple, you were happy singing, the song was nice, mais regarde bien les paroles. Si tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Vivre pour Jésus n'est pas facile. Alléluia. Et pendant le mois d'avril et deux semaines en mai, nous allons apprendre ce que ça veut dire. Vivre pour Jésus n'est pas facile. Amen. Ça doit être notre anthème pour... c'est anthème, juste c'est anthème. Hymne national. Pour la belle église pendant le mois. Yeah. Parce que c'est pas facile. Yeah. Et je sais que le message fait peur. Ça fait peur. Vous essayez d'être courageux et tenir ferme et écouter tout ce que j'ai à dire et vraiment vouloir accepter. Mais quand vous serez face au défi de perdre, c'est là où on verra de quoi vous êtes fait. De quoi ou sur quoi votre foi est basée. Si vraiment il y a une racine où vous êtes superficiel. Hey! Vive pour Jésus. Dis à ton voisin, vive pour Jésus, ce n'est pas facile. Non? Et le titre du livre, c'est perdre, souffrir, sacrifier, mourir. Un livre que beaucoup d'entre nous n'allaient jamais acheter si on avait le choix. Là, vous êtes presque obligés. On vous a forcé le livre. Vous devez acheter le livre et le lire. Forcé. Parce que vous achetez des livres et vous ne lisez pas. Donc aujourd'hui, on a ouvert le livre et on va vous forcer, vous obliger à lire. Yeah. Je sais pas combien de personnes après le culte vous revisez les notes. It's a powerful book. Yeah. Après la Bible, et puis qui encore? Quels sont les autres livres? Je crois que ça, c'est un livre qui doit être sur votre étagère à la maison. Yeah. Pas sous l'oreiller. Vous devez lire le livre régulièrement. Le livre doit être souligné. Vous devez avoir un stylo, vous soulignez, dites « Hey !» Vous encerclez les mots, dites « Hey !» Vous mettez des points d'exclamation. Vous achetez des couleurs, des crayons à couleurs. Quand vous voyez le mot « mourir », vous soulignez « rouge !» Quand vous voyez « souffrir », vous dites « exclamation, exclamation, exclamation !» Bien. Comme ça, quand vous prenez le livre, vous serez obligé de faire face aux réalités, aux vérités qui se trouvent dedans. Yeah. Elsa, c'est easy to follow Jesus. Jusqu'à présent, ça a été une histoire romantique. Oh, quelle joie d'être en Christ. Notre premier amour. Ouh. Et là, vous êtes obligé de prendre la viande et mâcher. C'est sérieux? Alléluia. Page 31. In English, I don't know what page it is. Toi, tu as deux livres. English, French. Il y a un œil sur l'anglais, un œil sur... Alléluia. Ok? Pourquoi Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance? Oh my God! Dieu veut! C'est trop dur! Je suis surprise même que beaucoup de personnes sont venues. Je m'attendais à voir une église vide jusqu'en fin mai. Après, quand on aura terminé la série, les gens vont revenir. Parce que quand vous écoutez le message, vous êtes obligé à considérer, méditer les paroles. On a parlé de la perte pendant deux semaines, une semaine. La semaine passée, on parlait de la perte. Maintenant, on va progresser. On va avancer. C'est la promotion à la souffrance. Acclamez Jésus très fort. Alléluia. Après la perte, il y a aussi la souffrance. Amen. C'est une promotion. Il y a la souffrance. Souffrir pour Jésus. Il y a. Au lieu de dire vivre pour Jésus, il faut dire souffrir pour Jésus. Nous sommes appelés à souffrir. Philippiens 1, verset 29. Philippiens 1, 29. Amen. Hey, Olivier, il a fini sleepy, hein? Le vol était dur. Philippiens 1, 29. Car il vous... Let's read it together, comme ça vous verrez que c'est pas moi. Vous pouvez lire ça là, ici, comme vous voulez. Shall we go? Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. Frère, souris. C'est une grâce. C'est une grâce de souffrir. Je vous ai dit quoi? Quand vous voyez le mot souffrir, vous faites quoi? Souligner. Rouge. Si vous n'avez pas rouge, faut souligner. Yeah. Philippiens 1, 29. On reprend. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Frère, faut lire. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Tout le monde croit. Mais la grâce n'est pas seulement pour croire. La grâce, c'est aussi pour souffrir. Judas! Yeah. souffrir, ça veut dire quoi? Quand tu souffres, ça veut dire quoi? Tu as déjà souffert. De quoi? La dent. La dent. Tu souffres là maintenant. Donc pourquoi tu ne parles pas fort? Et quand tu souffres, ça veut dire quoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc Dieu vous a fait grâce d'avoir mal. Ça c'est la grâce. La grâce que Dieu t'a fait. La grâce, pas seulement pour danser, pas seulement pour croire, pour avoir mal. What a shock. Dieu d'amour. Wow. This one is a big wow. Le Dieu d'amour. Dieu de miséricorde. Wow. Pas de chant. Gérard, la grâce n'est pas seulement pour chanter, oh. Si pour avoir mal. Souffrir, ça veut dire quoi encore? Avoir de la peine. La grâce que Dieu a fait pour toi, c'est d'avoir de la peine. La peine. Peine. Yeah. And what else? Endurer une douleur. Dieu t'a fait grâce d'endurer la douleur. Ok? Yeah. La douleur de suivre Jésus-Christ. Tu auras mal. Tu auras de la peine. Des douleurs. C'est une grâce. Quelle grâce! La grâce n'est pas seulement de recevoir une demande en mariage. Oh, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Quelqu'un m'a béni avec un nouveau portable. Quelle grâce! Quelle grâce! La grâce, ma sœur, c'est de souffrir. Amen. Yannick, de souffrir. Une grâce. Félix, are you ready to suffer? Oh. Yes. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Ça, c'est un verset à mémoriser. Dieu m'a fait grâce. De souffrir. Combien d'entre nous, franchement, pourraient dire, ah non, c'est une grâce? Oh, c'est une grâce. C'est la grâce que Dieu m'a fait. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de vous prévenir. Pour que vous ne soyez pas pris par surprise un jour. Dis, oh, servir Dieu n'est pas... On vous a déjà dit. Hein? Quand tu auras mal. Oh, j'ai mal. C'est une grâce. Rappelle-moi. Tu veux que ma voix sonne dans tes oreilles. Quand le cousin de James Bond a décidé que oui, ça suffit. Si tu ne me donnes pas ce que je veux là, c'est fini. C'est fini. Tu dis que tu m'aimes et tu ne veux pas me donner ce que je veux. C'est fini. Quand tu auras mal. Quand tu es en train de souffrir. De le voir avec quelqu'un d'autre. De ne plus recevoir ses appels. De ne plus entendre sa voix. Hello, bébé. Faut entendre ma voix. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Afin que personne ne soit ébranlé. Let's read it. Au milieu des tribulations présentes. Ça veut dire tribulations présentes aujourd'hui. Tribulations d'aujourd'hui. Car vous savez vous-même que vous êtes destiné. Destiné veut dire quoi? Is what? condamné. Destiné veut dire quoi? Que c'est, ça a été là avant, bien avant même. C'est déjà programmé. Programmé? Évident. Avant même que tu sois un fœtus. Un fœtus. Destiné à faire quoi? Avoir une maison. Toi là. Destiné à quoi? À vous marier, avoir trois enfants. Destiné à quoi? Avoir beaucoup d'argent. Ah, souffrir. Destiné, rendez-vous avec ma destinée. Waouh. Yann, yes, that's your destiny. Afin que, il écrit ça pourquoi? Il dit, afin que personne, this one says ne fût, this one says ne soit, ébranlé. Ébranlé, c'est what? S'effondrer, to give up, abandonner, pour que tu ne sois pas ébranlé au milieu des tribulations. Quand vous êtes dans une tribulation, pas facile. Tu peux facilement être ébranlé. You can easily be inondé and submergé. N'est-ce pas? Mais si vous voyez ça comme quelque chose qui fait partie de ta destinée, tu ne seras pas facilement jeune. Yeah. Par exemple, tu es au Ghana, tu vas rester au Ghana encore combien d'années? 2 ans. Quand on te dit, quand dans 2 mois, il y a light off. Destiné pour le de 2 ans à venir. Ma destinée, je ne serai pas ébranlée. Je ne serai pas secouée. Je ne serai pas submergée. Je ne vais pas paniquer. Je ne serai pas trop affectée. Ça, c'est ma destinée pour les 2 ans à venir. Si Dieu n'intervient pas. Yeah. Isn't it? Yeah. Tu ouvres le robinet, il n'y a pas d'eau. Tu dis, oh. Ma destinée est entre tes, what is, ta surmain. Ma destinée. Qui va chanter pour toi? Sing it. Et dans ta surmain. Tu aimes ça, hein? Ma destinée. Hein? It's nice. Et dans ta surmain, ton assurance peut y agir, et ta force. You have the words for that song. Tu vas laisser les paroles. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Waouh, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Parce que ma destinée est entre tes surmains. Mais ta destinée, c'est ça inclut la souffrance. Non seulement le confort, la joie. Paix et bonheur. Mais Seigneur, tu as dit que tu connais les projets que tu as pour moi, les projets de paix. Tu n'as pas parlé de souffrance. Mais c'est ta destinée. Waouh. Je n'ai pas refusé de porter ma croix. Oui, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Wow. Tu m'équipes. Hey, il t'équipe pour faire quoi? Pour souffrir. Tu m'envoies. Tu m'équipes. Tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies. tu m'envoies. Tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. C'est comme un poison. De porter ma foi. It's nice. Oui, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Tu de porter refusé. Ma foi. Hey, tu n'as pas refusé de porter ta croix. Ok. C'est un enfant de ta vie. La croix représente la souffrance. Charlie, this book, I love it too. Si vous êtes destiné à cela, donc quand vous souffrez, pourquoi vous êtes tellement choqué, surpris, déçu? Tu te sens abandonné par Dieu. Oh, Dieu m'a abandonné. Il t'a pas abandonné. Il t'a prévu. Tu es destiné à cela. Il t'a prévu. C'est pas comme si t'as caché ça et puis tout d'un coup, tu es devant la souffrance. Why are you so shocked? Why are you so surprised? Why are you so sad? Pourquoi tu ne veux pas souffrir? God, why don't you want to suffer? Why? Yann Marco, why don't you want to suffer? Jesse, pourquoi tu ne veux pas souffrir? C'est une bonne question. More grace. Pourquoi tu ne veux pas souffrir? Liane, pourquoi tu ne veux pas souffrir? Lindieuse, tu n'as pas refusé de porter ta croix, mais tu ne veux pas souffrir. Tu souffres déjà. Wow, what a verse. This is another one to memorize. Est-ce que vous êtes en train de mémoriser le Timothée 1, Timothée 2, Timothée? Hmm? Some people don't know they're supposed to. Where's Jeremy? There are people who don't know they're supposed to memorize any scripture. Ils savent. I've forgotten the name already. Moïse, tu ne savais pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Qui savait? Qui ne savait pas, plutôt? Maggie ne savait pas. Wow. Is it those who are not in cellule who don't know? Maggie, tu étais à la cellule samedi. Who's your shepherd? Holy! Where is she? Est-ce que tu savais? Tu n'as pas informé tes brebis? Est-ce que toi-même tu mémorises? Who's your zonal shepherd? Bernice. Hallelujah. Amen. Notre concept du christianisme doit inclure le concept de la souffrance. Ça fait partie. Tonton Pacom, ta destinée. Il rit. Hein? Pasteur Cédric, révérend. On dirait révérend. He says, I receive it. Amen. Notre théologie doit inclure la souffrance. Tu veux suivre Jésus-Christ, mais tu ne veux pas suivre. Tu ne veux pas suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a souffert. L'évêque raconte une histoire, il dit, une fois, il parlait, conseillait une dame à l'église qui est là depuis des années. Elle a dit, mais tu es mon père. Il dit, je ne suis pas ton père. Tu n'es pas mon enfant. Oh, bishop! Why? Mais tu es mon père. Dis non. Tu es juste une gentille fille qui vient à l'église. Tu n'es pas mon enfant. Oh, oh. Il dit oui. Et il dit, en ce même moment, un de ses fils biologiques est passé par là. Il a dit, tu vois mon fils. Ça, c'est mon fils. Tu sais comment on sait que c'est mon fils? Il me ressemble. Toi, tu ne me ressembles pas du tout. Tu ne me ressembles pas. Tu n'as pas envie de prêcher. Tu ne veux pas devenir berger. Pasteur, il ne faut même pas en parler. Tu ne fais rien dans l'église. Tu viens seulement, tu es gentil, tu fréquentes. Tu t'assois gentiment, tu es toujours régulier. Mais tu n'as pas le moindre désir de travailler pour Dieu. Comment tu peux dire que tu es mon fils ou mon enfant? On ne se ressemble pas. Il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a rien qui nous lie. Un enfant ressemble à son parent ou ses parents. Amen. Si tu es enfant de Dieu, on ne voit pas la ressemblance. On ne voit pas. Tu ne ressembles pas à son fils. Tu ne ressembles pas à Jésus-Christ. Il a souffert. Toi, tu ne veux pas souffrir. Il a perdu. Tu ne veux pas perdre. Où est la ressemblance? Tu veux seulement enjoyer. Recevoir les bénédictions qui enrichissent et qui n'ajoutent aucun chagrin. Il y a le chagrin. Souffrance. Yeah. Waouh. Sandrine. Are you ready? L'aquelle. Concept de la souffrance. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Mais pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Comment ça se fait que certaines personnes, quand ils ouvrent la bouche, ce qui sort est bon, et pour les autres, c'est pas bon? Ça, c'est ma souffrance. Oh. What? Vous savez qu'elle part. Elle part demain. Elle ne reste pas. Tu pars déjà? Oui, je pars déjà. What does Bishop Saki say? Tu ne restes pas. Something, something, something. His French sentence. Hallelujah. Amen. Jesus is a suffering Jesus. Les raisons pour lesquelles, et on va terminer, don't worry, be happy. Pour lesquels Dieu veut que vous éprouviez. Hey, this thing, this title. Pourquoi Dieu veut? Est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous souffriez? Ça fait bizarre. Dieu d'amour. Is there not a song de Dieu d'amour? There's a song Dieu d'amour. Il n'y a pas de chant qui parle Dieu d'amour. Dieu de miséricorde. Numéro 1, page 34. Let's read it together. Dieu veut que vous éprouviez des souffrances car cela lui plaît. Plaire à quelqu'un, ça veut dire quoi? La personne aime ça. Il enjoy. Il est satisfait par cela. Combien de personnes ici aiment la glace, ice cream? Ça vous plaît? Dieu n'aime pas la glace. Il aime plutôt ce qui lui fait plaisir, n'est pas la glace. C'est la souffrance. Hey! Ésaïe 53, verset 10. Regardez ça dans votre Bible. Si vous ne croyez pas le livre. Is it there? Let's read it together. Il a plu à l'Éternel de quoi? Il a plu. Il a plu. Il a enjoyé. Oh! Ça fait bizarre. C'est difficile à comprendre. Pourtant, il a plu à l'Éternel de le briser. Briser qui? Qui? Jésus-Christ, son fils, en qui il était. What was it when the dove came? Quand la colombe est descendue. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est de lui qu'il parle. La personne en qui il a mis toute son affection, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Toi, tu ne veux pas souffrir. Ça fait peur. Je vois la peur sur vos visages. Mais ça ne change pas qui Dieu est. Ça ne change pas qui il est. C'est le même Dieu qui t'a tant aimé. Et c'est parce qu'il t'a aimé. C'est pourquoi il a plu à l'Éternel de le briser. C'est pour te sauver. Si Jésus-Christ n'avait pas accepté de souffrir, tu ne seras pas sauvé, je ne serai pas sauvé. C'est pourquoi il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dis, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le sacrifice de Jésus sur la croix a été décrit comme une bonne odeur? Que vous êtes déjà posé cette question. Éphésiens 5, verset 2. Marchez dans la charité. Et à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelqu'un m'a offert le parfum Chanel number 5. When I put it on and I just quelle bonne odeur. Quelle bonne odeur. Et quand je suis de bonne humeur, je mets un peu dans ma main et puis je comme ça. Je dis waouh. Quelle bonne odeur. Mais Dieu, le bon odeur n'est pas Chanel number 5. C'est pas Coco Chanel. C'est pas what again? What are the nice parfum? Où? Paille de Givenchy. Hein? Calamie de qui? Où's Calamie? Calamie c'est quoi? What are the nice perfumes? Quelles sont les bonnes odeurs que vous connaissez? 1 million is what? By who? By who? Paco Rabanne. Yves Saint Laurent, what's the name of the perfume? Opium. Maybe there's another poison by Christian Dior. Wow. je ne sais pas si j'ai le courage de verser poison sur mon corps. De bonne odeur. Yes, madame. You don't know bonne odeur. Vous ne connaissez pas. I'm surprised. Toi, tu connais. Hein? L'eau lisée. Odyssée. L'Odyssée de Christian Dior. And then what else? What? VIP. 212 VIP. Is by who? By the roadside. It's not true. Paco Rabanne. Si vous connaissez le nom du parfum, tu ne connais pas qui l'a fait, tu ne connais pas ton parfum. Parce que c'est le nom de la personne. Parce que si c'est tout en tout, je ne sais pas qui, de Simone Ademo, la personne ne va acheter. C'est le nom de la personne qui fait du parfum. Powerful. Tu ne connais pas. Ha! Playboy. Playboy, c'est ce que toi tu connais. Playboy de qui? Qui? Non. On ne va pas accepter Playboy. Beyoncé. The hit, Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé. On ne va pas accepter Beyoncé. Parfum. De bonne odeur. Oh, I'm surprised. Tendresse, Nina Ricci. Nina Ricci, ok. Tendresse, Nina Ricci. Côte d'Amari, Giorgio Armani. Giorgio Armani, ok. La petite robe de Guerlain. Guerlain, ok. Ok. Ladies. Ceux qui sont derrière, vous ne connaissez pas de bonne odeur. Bonne odeur, bonne odeur. Fahrenheit, Christian Dior. Fahrenheit, Christian Dior. Amour, amour, Cacharel. Amour, amour, Cacharel. La petite robe noire de Guerlain. Yeah, she said, okay. I think she already talked about petite robe. Terre d'Hermès. Hermès. Terre d'Hermès. Okay. De bonne odeur. Alléluia. Mais pour Dieu, le bon odeur, c'était quoi? La souffrance de son fils. What a shock. Un parfum de bon odeur. Point numéro 2. I'm late. Dieu, let's read it. This page 35. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance. Car cela... vous rend parfait. Cette perfection-là, je me demande si je veux. Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. I tell you, just love the book. Il convenait, let's read, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Waouh! Éleva à la perfection. Pas par l'éducation, ou par la formation, ou par la bénédiction, mais par les souffrances. Sans souffrance, il n'y a pas de perfection. Sans souffrance, il n'y a pas de perfection. There must be suffering. On ne peut pas échapper à cela. On a déjà vu que ça fait partie de notre destin. Quand vous quittez ici, il ne faut pas être triste. Dis, ah, mais c'est quel choix mauvais qu'on a fait là. cette histoire de souffrance. C'est une grâce. C'est une grâce. Quand le Western est en retard, tu dis, c'est une grâce. Tu dis, quelle grâce de partager la souffrance de Christ. Cela me rend parfait. C'est un niveau, hein. Le mot perfection signifie être complet. Nous sommes incomplets sans souffrance. Il manque quelque chose à quelqu'un qui n'a pas rencontré de problème dans cette vie. Il lui manque l'élément qui la rend complète et mature. Si tu veux trop protéger ton enfant, tu verras qu'il ne sera pas capable de grandir et de réfléchir mûrement. Pour ceux qui ne veulent pas, vos parents vous ont chouchouté, choyoté, choyé, gâté. Vous êtes différents de ceux qui ont grandi dans la souffrance. Eux, ils sont un peu plus durs, plus capables de vivre certaines choses, plus capables d'endurer certaines choses. Ils sont plus résilients. Is it a word? Moi, je ne connais pas, j'essaie seulement. Je dis le mot en anglais avec un accent français et puis j'espère. Yeah. Il se trouve. Amen. Numéro 3. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance car cela vous rend obéissant. Some of you are too stubborn. Trop têtu. Donc Dieu permet à ce que vous passez par des épreuves pour te rendre obéissant. Yeah. Pour tirer tes oreilles. Yeah. Yeah. C'est trop têtu. Vous voulez tout faire à ta manière, comme tu veux, quand tu veux, comment tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Dis non, cet enfant-là, il doit souffrir un peu. Je vais le laisser. Yeah. Alléluia. Hébreux 5, verset 8. Oh, don't worry. Bien qu'il fût fils, il a encore appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Une chose, la chose la plus triste, c'est quelqu'un qui n'apprend pas les leçons, qui ne retient aucun ou aucune leçon de ses souffrances. Tu passes par des épreuves, mais tu n'as tiré aucune leçon. Pendant 6 mois, le Western n'est pas arrivé. Tu as souffert. Quand le Western commence à couler, shopping, ShopRite, nouveau téléphone, iPad. Tu n'as pas appris. Tu n'as rien appris. Au lieu d'épargner et de prendre petit à petit, juste au cas où. Non. Western arrive le jour où elle a il ou elle. Le Western arrive. Tu continues tout droit. Tu dis au taximan d'attendre. Et tu vas directement à ShopRite. Il y a un nouveau ShopRite à Osu. Je veux voir si c'est pareil. C'est pareil. Qui a déjà visité Osu ShopRite? Ah. Yeah. Instrumentiste, vous avez déjà visité Osu ShopRite? Daniel? Yes. I would have been surprised if you said no. Au lieu d'apprendre, Dieu dit non, je veux que cet enfant retienne quelque chose. Il doit souffrir un peu. Quand tu passes par des moments difficiles, demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Je ne veux pas sortir de cette situation sans avoir retenu quelque chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il doit y avoir une leçon dedans. Je ne peux pas passer par tout ça sans rien apprendre, sans changer, sans que quelque chose en moi change. What is it? Seigneur, merci pour la grâce de souffrir, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que je ne veux pas passer par ça encore demain. Quand tu ne retiens pas les leçons, qu'est-ce qui se passe? Tu rates l'examen, tu échoues, et puis tu reprends, tu refais. Donc toi qui demandes toujours au Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? C'est toujours toi parce que tu n'as rien retenu la première fois. Pourquoi tu tombes toujours sur les mauvais gars? C'est parce que quand la première situation est arrivée, tu as refusé de retenir une leçon. Tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Oh, pourquoi je tombe toujours sur les garçons qui tapent? Ah, because tu es têtu. Tu as raté le coup. Tu n'as pas retenu la leçon. Donc tu dois reprendre. Tu as doublé. Triplé même. What a shock. Certains d'entre vous, vous avez écrit le bac 5 fois. 5. Tu as fait le bac une fois, raté. Deux fois, raté. Troisième fois, tu n'as pas dit ça aux gens. Quatrième fois, tu as changé de région, tu as voyagé pour faire le bac. Tu es parti au Bénin la cinquième fois. Sixième fois, tu dis non, je vais faire A-level, je vais au Ghana. Ok. Où personne ne me connaît. Tu refuses d'apprendre. Tu refuses. Les erreurs que tu as commises la première fois, la deuxième fois, tu fais toujours. Tu n'apprends pas. Tu n'écoutes pas. Tu ne répètes pas. Tu es toujours sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype. Tu as tout ce qu'on a à voir. Viber, Twitter, Tango, Vox, Telegram, Instagram, BBM. Which one again? Picasa. Which one is that? Samsung. Tous les réseaux sociaux. Every single one. Et pourtant, quand tu as un, tu communiques avec tout le monde. Tu es sur WhatsApp, c'est fini. Tu connectes avec tout le monde. Mais non. Tu as Instagram. Qui a Instagram? Oh, moi j'ai Instagram. Il faut download Instagram. Telegram. Instagram. Quand on m'a dit Telegram, j'ai dit, what is that one again? Quelle est la différence entre WhatsApp et Telegram? What is the difference? What is the difference? The names. Mais tu dois être sur tous les. Voilà pourquoi tu n'apprends pas. Voilà pourquoi tu ne répètes pas les cours. Voilà pourquoi tu ne parles toujours pas anglais. Voilà pourquoi tu es sur le point de doubler encore. Voilà pourquoi tu as un D. Tu as eu un D en economics. Tu as eu E en management. La première fois tu as fait F. Deuxième fois tu as fait. Il a encore appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que tu n'as pas assez souffert? Il faut apprendre. Amen. À obéir. L'obéissance vaut mieux. C'est ce que la Bible dit. 1 Samuel 15. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Wow. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est devenu obéissant par ses souffrances. Jésus-Christ était saint et sans péché. Pourtant, son obéissance à Dieu dépendait de certaines souffrances qu'il devait endurer. Vous aussi, vous devez endurer des souffrances si vous voulez obéir pleinement à Dieu. Parfois, nous pensons que ce sont les gens têtus et mauvais qui ont besoin de souffrir pour devenir obéissants. Waouh! Mais les bons aussi ont besoin de souffrir afin d'atteindre l'obéissance parfaite. Lorsque vous rencontrez des difficultés et vous souffrez, demandez-vous ce que le Seigneur cherche à vous faire faire. À quoi veut-il que j'obéisse? Que veut-il que je fasse pour lui? Wow. Nombreux sont ceux qui sont devenus obéissants et ont servi le Seigneur seulement à cause de certaines expériences difficiles qu'ils ont vécues. Alléluia. Certains d'entre vous, si ce n'était pas que James Bond t'a laissé tomber, tu ne serais pas en train de prier Dieu. Tu t'es tourné vers Dieu parce que tu n'avais pas de solution. Si le mariage a eu lieu aujourd'hui, tu ne serais pas ici en train de prier Dieu. Si Dieu ne t'a pas laissé passer par ces moments difficiles. Wow. Il ne faut pas attendre que quelque chose de terrible arrive avant que tu réalises que tu dois obéir à Dieu. Yeah. Beaucoup d'entre nous, depuis notre séjour ici, depuis qu'on a commencé à être un peu sérieux, donatien, avec le Seigneur, on ressent l'appel de Dieu sur notre vie. Tu sais que Dieu t'a appelé. Et c'est pas un appel simple de venir à l'église dimanche, parce que beaucoup viennent seulement à l'église dimanche. Quand on parle d'appel, il y a appel. Appel c'est quoi? Cet appel c'est quoi? Moi je suis content quand je viens à l'église, je suis content, je prie, je danse, je pars, puis je vis ma vie. Je ne parle pas de ça. Il y a certaines personnes qui sont appelées. Et quand on commence à parler de travailler pour Dieu, tu commences à avoir peur. Ton cœur bat. Parce que tu sais que c'est de toi qu'on parle. Tu as peur. Yeah, cette dame n'a qu'à changer le sujet. Pourquoi elle insiste comme ça? Oh, qu'elle commence à parler de la fornication. Au moins là, je ne suis pas concernée. Faut pas qu'elle parle de l'appel. C'est de toi que je parle. Yeah. Quand on parle de appel de Dieu, travailler pour Dieu, tu commences à avoir peur. Quand on parle de souffrir et de perdre pour Dieu, tu commences à avoir peur. Dieu. Ne me fais pas perdre ça. C'est à toi que la parole est adressée. Yeah. Yeah. c'est l'appel dont je parle. Il ne faut pas attendre que quelque chose de terrible vous arrive avant d'obéir à l'appel. Parce que la Bible dit que si tu veux préserver ta vie, tu es la personne qui va la perdre. Dis non, Seigneur, je dois travailler à Schlumberger, sinon quelque chose de terrible va m'arriver. J'ai des projets. Quand je travaille à Schlumberger, je sais que je vais gagner au moins, combien? 3 millions. Et avec les 3 millions, je pourrais payer les études de mes frères. Et avec ça, je vais payer la dîme. Dieu, une dîme de 30 000, c'est pas beaucoup. 300 000, c'est pas bon. C'est bon. Et je pourrais payer aussi les études de mes frères. Seigneur, ne me fais pas perdre ça. Ne me fais pas perdre ça. Dis non, je vais t'envoyer au Tchad. Timbuktu. Je vais t'envoyer. N'attends pas que les frères dont tu parles, un devient drogué, deuxième devient fou, troisième devient je sais pas quoi, il est arrêté, il est en prison, avant de te réaliser que non, tout ce que je voulais préserver, je les ai tous perdus. Tu ne sais pas que si tu étais parti au Tchad, il y avait un travail là-bas qui t'attendait. Un travail qui allait te payer même plus que les 3 millions que tu cherches. Tu auras une maison, voiture, toute ta famille pourrait venir vivre avec toi au Tchad là-bas. Tu ne sais pas, moi aussi je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Faut pas attendre que tu perdes tout avant de dire, oh Seigneur, si je t'avais obéi. Oh Seigneur, si je t'avais écouté. Amen. Dans la Bible, Bishop donne des exemples des gens connus qui ont entendu la voix, qui ont reçu un appel, mais ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient préserver la vie. Ils voulaient faire autre chose avant. Oh, je dois finir ça d'abord. Ah. Vivre pour Jésus n'est pas facile. J'ai décidé d'obéir à Jésus, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas refusé de porter ma croix. Are you sure? Beaucoup d'entre nous, on a refusé silencieusement. Mais on a refusé. Silent refuser. Tu n'as pas été tu n'as pas été impoli, tu as été très gentil, tu viens toujours, tu souris, tu fais ce qu'on te demande de faire. Mais dans ton cœur, tu sais que Dieu veut plus. Tu sais qu'il te demande plus. Que tu sois prêt à tout perdre pour lui. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais, tu es content de venir t'asseoir. Et puis partir. Tu sais que Dieu veut plus de toi. Tu sais. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Ma sœur, ne dis pas que c'est reporté. Demain je ferai ce que Dieu me demande. Demain pourrait être trop tard. Ne refuse pas de porter ta croix. Parce que c'est la condition que Jésus a donnée pour être, si tu veux être disciple de Jésus-Christ, tu dois porter ta croix. My brother, is he thinking? Ah, he's okay. Yeah. La seule condition, si tu veux me suivre, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Tu veux me suivre? Laetitia? Ok, take up your cross. Take up your cross and follow me. Terry, tu veux suivre Jésus-Christ? Tu veux être disciple de Jésus-Christ? Cours! On y va. N'oublie pas ta croix. N'oublie pas ta croix. Viens, on y va. C'est cool. Assez de place pour tout le monde. y a assez de place pour tout le monde. Viens, venez, venez. Ça serait bien. Pas oublier ta croix. Quand vous allez faire les camps, camp meeting, on vous demande, n'oublie pas les draps, le brosse à dents, n'oubliez pas d'amener un peu des choses à grignoter, n'oubliez pas. Jésus dit, n'oublie pas ta croix quand tu vas décider de me suivre. N'oublie pas ta croix, pas la croix de Révérend Cédric. Non. Pas la croix là. Oh, tout le monde devant enlever la croix. Colombe. Hé, hey, ça c'est une croix stylée, designée. Lève-toi, on veut voir ta croix. Waouh. Non. Parce qu'on ne peut pas te crucifier sur cette croix. Même Liane, on ne peut pas crucifier sur cette croix. Même Laetitia, on ne peut pas crucifier sur cette croix. En fait, même Francisca, je ne sais pas entre vous trois là, c'est qui gagne. Qui gagne ou qui perd, je ne sais pas. Qui, Liane? Ok, cassez dans avec ta jolie croix. Alléluia. Hey, tu joues nicely. Tu es prêt? On y va. On y va. Assez de place pour nous tous. C'est une grâce. N'oubliez pas que c'est une grâce. C'est pas une punition. C'est pas un fardeau, mais c'est une grâce. Je ne sais pas pourquoi vous êtes calme comme ça. Dis à ton frère, frère, félicitations. Dieu t'a fait grâce. Yes! Il m'a fait grâce aussi. Alléluia. C'est une grâce. Pas seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Amen. Levez-vous, on va continuer la prochaine fois qu'on va, se voir. Amen. Il y a beaucoup de points. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh! Nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à souffrir. Parce que cela lui plaît. Parce que cela nous rend parfaits. Et cela nous rend obéissants. Amen. Commencez à prier. Seigneur, dans tout cela, je ne sais pas. Comment souffrir me rend plus obéissant. Comment souffrir me rend parfait. Je ne comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que tu as des projets de paix et de bonheur pour moi. Donc tout ça fait partie de tes projets pour moi. Je m'humilie, Seigneur, pour accepter ta volonté pour ma vie. Seigneur, je veux me rendre obéissant. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. J'accepte ce que tu as prévu pour moi. Levez votre voix et priez ce matin, cet après-midi. Priez Dieu. Dieu, continue à me faire grâce, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. J'accepte de souffrir parce que Jésus a souffert. J'accepte de perdre parce que Jésus a perdu. Je veux être disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas renoncer à ce que je suis. Je suis ton enfant. Je ne peux pas fuir ce que tu as prévu pour moi. Parce que même si je me cache de toi, tu vas me trouver. Seigneur, j'accepte volontairement de perdre. Je ne veux pas que tu m'arraches ces choses. Je te la donne. Je te les donne volontairement. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Je t'aime, Seigneur Jésus. J'accepte ta volonté pour ma vie. Merci pour la grâce que tu me fais. Commence à remercier Dieu pour cette grâce. Cette grâce qui suffit. Cette grâce qui t'équipe, qui te rend capable d'assumer. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. C'est pourquoi tu m'as appelé. Tu ne m'as pas appelé pour souffrir, plutôt pour me bénir. Et j'accepte, Seigneur, ton appel. Je te bénis, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, je veux prier pour toi maintenant. Tu es là, tu ne sais pas si tu es né de nouveau, tu ne sais pas si tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas si tu meurs aujourd'hui, si tu iras au ciel ou en enfer. Peut-être quelqu'un t'a invité, peut-être tu viens d'habitude, mais tu sais qu'il y a une décision que tu dois prendre, une décision de renoncer à tout, de te nier, de te donner complètement, entièrement à Dieu. Tu es prêt à tout perdre pour suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Tu sais que Dieu t'appelle. Mon frère, je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. C'est le jour que Jésus a prévu pour toi, pour que tu l'acceptes et tu l'invites dans ta vie. Il te tend la main ce matin. Il dit, mon fils, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas non, parce que je t'appelle. Si tu es là et tu veux faire la prière, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je veux bien prier pour toi. Lève seulement la main. Aujourd'hui, tu veux accepter Jésus-Christ. Tu veux accepter son amour pour toi. Tu es prêt à te donner pour lui. Ne pense pas au sacrifice. Je vois la main derrière, que Dieu te bénisse. Tu es prêt aujourd'hui à donner ta vie pour Jésus-Christ. Tu es prêt à assumer. Tu es prêt à accepter. Je veux prier pour toi. Mon frère qui est là-bas derrière, ma soeur, viens devant. Je veux prier pour toi. Viens. Viens. Il y a quelqu'un, non? Viens, mon frère. Viens. Venez, venez, oh, soyez bénis. Merci. Merci. Soyez bénis. Seigneur, prends tout. Fais ce que tu voudras dans ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Merci. Entre tes mains. Entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ceux qui sont devant. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris une très bonne décision. Dieu ne va pas vous abandonner. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Je vais demander à tout le monde de répéter aussi la prière. S'il vous plaît, dites après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci de m'avoir appelé aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie ne te plaît pas telle qu'elle est. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes erreurs. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je prends une décision de te suivre. Je vais te suivre, Seigneur, et je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Fais ce que tu voudras de ma vie. Je suis ton enfant. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ton pardon. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Vous venez de prendre une très bonne décision. Une décision.